Leçon 3. Document 1, page 78. C'est incroyable qu'on puisse faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au courant? Madame l'abbé doit quitter son appartement. La société Paris Logis veut y faire des travaux et le louer plus cher à d'autres locataires. Ce n'est pas vrai! Si! On fait signer une pétition pour l'aider. Elle habite ici depuis 60 ans. Il est normal qu'on fasse quelque chose pour elle. Tu signes? Bien sûr. Monsieur Leblanc, vous avez une minute, s'il vous plaît? C'est pourquoi? Pour Madame l'abbé, vous savez? Ah oui, je sais. Donnez-moi la pétition, je vais la signer tout de suite. C'est nécessaire que tous les locataires la soutiennent. La pauvre femme. Elle a travaillé dans l'immeuble pendant plus de 40 ans. C'est un scandale! Et c'était une excellente concierge. Tous les locataires l'aimaient beaucoup. Ce n'est pas possible qu'on lui dise de partir maintenant! Madame Grégoire, vous avez signé la pétition? Oui, c'est fait. C'est vraiment triste qu'on fasse des choses comme ça. Cette pauvre Madame l'abbé, elle ne dort plus la nuit avec cette histoire. C'est bien qu'il y ait des gens comme vous, jeune homme. La solidarité aujourd'hui, c'est rare.